semble faire quelque chose. Il est entre dans mon cœur, n'est pas de bonheur dont je connais le corps. Je sens en moi.